Obligation d'affichage. Deux décrets récents ont précisé que certains documents n'ont plus obligatoirement à être affichés. L'obligation d'affichage devient, pour certains documents ou informations, une obligation de communication par tout moyen aux salariés concernés, plus adaptée au mode de communication moderne. Ainsi, l'information peut par exemple être assurée par l'envoi d'e-mails ou par leur mise à disposition sur l'intranet de l'entreprise s'il existe. Parmi les informations et documents visés par cette mesure, on peut citer le règlement intérieur, les textes du Code de travail sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, l'ordre des départs en congé, le nom de la convention collective applicable dans l'entreprise ou le procès-verbal du vote validant un accord d'entreprise. Dans le même esprit, certaines obligations de transmission de documents à l'inspection du travail sont remplacées par l'obligation de les tenir à la disposition de cette dernière.